Bienvenue dans le monde de l'underground by Fred Cominatia. De la soul, du funk, du hip-hop, du new disco, de l'indie dance et surtout de la house, deep house, tech house, jusqu'à la progressive. Des présentations d'artistes et labels internationaux, mais aussi d'associations et collectifs régionaux. Tous les jeudis 17h-20h, des nouveautés et des mix live en son et images par Cominatia, mais aussi par des invités de choix du monde de l'underground. Eh bien, bonsoir à tous les auditeurs de Radio Méditerranée VAR. Encore un plaisir de vous recevoir sur ma section du son de l'underground, l'émission qui vous apporte des morceaux différents, de la fraîcheur et une ambiance intimiste dans le son électronique. Vous avez accès là à des petits labels, vous avez accès à de la recherche vraiment toutes les semaines sur des nouveaux morceaux. Voilà, le programme cette semaine va taper un peu moins que les dernières semaines parce que j'ai envoyé du lourd quand même. Donc là on va se la faire un petit peu plus tranquille, plus apéro électro. On va commencer d'ailleurs par l'afterwork électro, ce que j'appelle, qui est un petit medley de plusieurs styles de musique électronique sans être non plus trop sur le beat, trop dance. On va faire ça pendant une heure et demie. On va suivre après ça avec un pur electronica. Alors electronica, comment dire ça, c'est assez large comme style. Pour moi, electronica, c'est comme si vous étiez coincé dans un bon épisode de Trainspotting. Vous voyez à peu près si vous vous rappelez de l'époque et de ce qu'on écoutait à ce moment-là. Voilà. Après, au niveau des news et des informations sur l'événementiel à venir, on a deux dates intéressantes. Voilà, je vous parle un petit peu donc de personnes que j'aime bien, d'associations qui font des choses intéressantes. Vous avez Techno Rules qui va faire une soirée intéressante à Montpellier le 14 mars. Ils font venir les Yellowheads, un duo plutôt éclectique en techno, mode pur techno. Ça va se passer au Diez Warehouse, donc c'est le label La Cosa Minimalista aussi qui s'en occupe, avec mon pote Enguerrand. Voilà, j'espère que vous serez nombreux, ça sera une soirée de qualité. Ils font aussi un petit after, donc même un gros after, le lendemain, le 15 mars, de 6h à midi au Yaka, toujours à Montpellier. Donc voilà, pour ceux qui n'ont pas envie de se coucher, qui ne peuvent pas, hein, vraiment, voilà, il y a la petite after qui se passe bien. Et puis toujours, la semaine d'après, le 21 mars, je vous en avais déjà parlé, il y a mon pote David Air, membre de Mirabel, qui fait une soirée Deep House au Cozy Bar à Fréjus. Voilà, dans les deux cas, n'hésitez pas. Alors, tout ça, au niveau information, ça se trouve sur Facebook, hein. Donc si vous cherchez sur Techno Rules, vous allez trouver les détails pour les Yellowheads et pour l'after Oyaka. Et puis David Air, si vous regardez un petit peu, moi je partage sur mon compte Facebook. Vous verrez donc au Cozy Bar, vous pouvez déjà appeler pour réserver soirée 100% Deep House. Alors on va commencer direct avec du son. Voilà, je vous parlerai dans une heure et demie à peu près pour le petit break entre les deux styles. Et puis je vous souhaite une bonne émission. Et puis vous êtes bien donc sur Radio Méditerranée VAR. Vous êtes bien au son de l'underground. Et encore une fois, merci au Trampa, quoi, à Seb. Merci pour cette ouverture d'esprit et ces 3 heures en prime où on a carte blanche. Allez, c'est parti les gars. chaque coup. A little better. For this life, I can't resist. And a fool in my mouth. A person's just playing. When I come, you call. to it. And if you look at it from that point of view, there are many addictive things in our culture. Sure. Well, my definition of addiction is any behavior that has negative consequences. But a person can use it. accimina una colonna, ti accina una parola. as artists that can create very special society. Things as it is music too. Wake me up on sunrise.

We'll be right back. can be free. Listen, I mean, I really can be me. I'm happy.

Type of it.

ont kiffé, comme on dit. Voilà, un petit mix que j'appelle After Work Electro, avec des styles un petit peu éclectiques qui reviennent, pas tout à fait électronique, mais quand même. Et puis voilà, il y a eu un petit blanc à un moment donné, j'étais trahi par un morceau, mais bon, c'est noté, on va essayer de le réacheter, parce que voilà. Mais bon, ça sert à ça aussi, de tester les morceaux en live, pour pas que ça marche deux fois comme ça. Alors, pour vous rappeler les rendez-vous à venir intéressants de personnes et d'associations qui font des choses un petit peu underground, un petit peu différentes. Dans le thème techno, donc vous avez Techno Rules qui va organiser une soirée pour les Yellowheads, un duo éclectique, donc pure techno, au Diez Warehouse. Ça se passe à Montpellier. Voilà, je vous donne des infos parce que bon, des soirées comme ça, il n'y en a pas partout, donc ça vaut le coup de se déplacer. Et puis en plus, pour vraiment ceux qui ne veulent pas faire le voyage pour rien, l'organisation donc, du label La Cosa Minimalista par mon pote Enguerrand, qui est basé à la Garde, lui à Toulon, mais qui vont jusque là-bas pour faire des soirées. Ça fait quand même un petit bout de temps qu'ils roulent leur boss. Ils ont une after aussi, un 6h midi, qui sera au IACA à Montpellier également, pour les plus noctambules d'entre vous. Sinon, la semaine d'après, le 21 mars, je vous conseille aussi d'écouter David Air, un pote à moi qui mixe bien, membre de l'association Mirabel. Ça se passe au Cozy Bar à Fréjus le 21, et c'est aussi une soirée Deep House, donc rien à voir. Mais à chaque fois, des sons différents que vous n'écouterez pas partout. Ça fait plaisir quand on voit toujours les mêmes DJ qui passent partout pour nous servir la même soupe dans les mêmes endroits 10 fois par mois. Enfin voilà, ça change un peu, ça donne de l'air frais et ça fait plaisir. Voilà, sinon un petit coucou à ma fille, moi, qui nous écoute. Ma petite chérie, je t'embrasse. Et puis là, on va passer à autre chose. On va faire un pur electronica. Donc ça, c'est assez divers et varié. Voilà, vous êtes dans Trainspotting, vous voyez, vous êtes assis au pub, il y a Ewan McGregor qui sort des toilettes, il a pas l'air très frais, mais il y a de la pint à gogo, et puis il y a surtout du super son, et puis bon, on est un peu chiardé, mais c'est pas grave, on est au Trainspotting, c'est l'ambiance, c'est cool. Voilà, vous allez voir un petit peu encore un autre monde que je vous présente, c'est un exercice un peu différent, c'est pas, vous verrez, on va... Allez, on est assis dans la banquette du pub et petit à petit on va aller sur le dance floor, mais en attendant, voilà, on écoute du son, puis ça monte tranquille, comme à l'époque, comme il y a 25 ans, voilà, comme il y avait dans les pubs anglais pour ceux qui ont connu. Voilà, je vous donne ça et puis on se parle juste après pour vous rappeler un peu les rendez-vous avant la fin de l'émission. En tout cas, on est reparti et puis je vous salue tous les auditeurs qui nous écoutent de Radio Méditerranée Var partout dans le monde. Vous êtes beaucoup dans la région également, des émissions intéressantes et puis du son comme là, comme le son de l'underground qui existe qu'ici en live à ces heures-là. Et puis donc encore un grand merci à tout le staff de la radio qui est ouvert complètement, qui adore la diversité. Et ça fait plaisir. Voilà, donc on va démarrer tout de suite avec un autre style, du Trainspotting, vous allez voir, de l'électronica, c'est parti. Stressing about the bad shit. Yeah, I keep it cool how I do. No, I ain't stressing on the whackness. Feeling super good, it's a habit. just found your soul in a moment. Somebody, where you been? Why'd you take so long? Said my life has been cold and insipid, full of fear, full of tears, full of broken souls. Night has called me, I have harmed me, God has saved me. Thank you. basement freaks. Every man, everybody, yeah, yeah. Drive slow, homie, pump the brakes and jams, dope beats. Holla if you know you can. If you don't, then what can I say? Got rappers everywhere like DJ nowadays. Fake news, past issues, wish for a change in solution. A lot gone wrong, let's start the revolution. Music vibrates the nightlife. Right or left, don't matter, we get down. Attracted, don't chase it. People try to complicate it, but it's really quite basic. Let it be you. Let it be you. Don't chase it, people try to complicate it, but it's really quite basic. Let it be you, let it be you. Attracted, don't chase it. See, people try to complicate it, but it's really quite basic. Let it be and be you. You gotta be you. Inhale, exhale, new plan of attack. Jack out the box, fresh like a kitten, spitting with that special someone just can't quit him. Release temptation, even though you wanna chase it. Attract that energy, let it be, don't be basic. Anyone you chase will run the other way, like when you corner a cat to try to give your love away. Claws come out, fight or flight won't display. Welcome in the atmosphere, a change in attitude. Holding in the light. Living in the light. Like I dismiss airplay. We don't really care. Say it loud with your chest. Clear your airways. Say it loud with your chest. We don't business. Planets are aligned and we're kismet. Let me rap a little. Whether you know about Nicholas Brothers or Fred Astaire, let me tap a little. Rogers out when zap a little. Boom rap a little. Underestimate me, but I pack a little pineapple punch. Shine if you want. Sugar free and designed to be blunt. I walk with no crowd in my shadow. The Black Forest ghetto. The rap should suggest I'm a plateau above. Generally, I got love. If you only got hate, get a hug. And maybe you should. Somewhere that needs vibes. There's a party somewhere that needs vibes. we got the notion, we got the motion, we got emotions, we are the tribe. Come on now, come on down. Come on now, come on down. Come on down. Come on now, come on down. Come on down, come on down. Magisch an. Wir bleiben, es ist kalt. Komm, nimm dir die Wärme, die du jetzt brauchst. Komm, weg deine Hoffnung. Komm, lass uns Luftschlüssel. magisch an. Wir bleiben, es ist kalt. Komm, nimm dir die Wärme. Du jetzt brauchst, komm, weg deine Hoffnung. checking you out or looking at your shoes or looking at your shirt and judging you. That's for those other places. That's for those other genres. We don't do that in house music, you know? I treat house music as if it was a child, you know? I just care, but I just want to watch it. I just want to stand back and watch it grow and see where it goes, you know? And it always surprises me every day, the things that it does, the lives that it touch. House music allows us to congregate without prejudice, you know? When I'm on that floor, I'm not seeing a doctor, I'm not seeing a lawyer, I don't see a nurse. I don't see that brother to drive the bus. I see people. I see beautiful people. I see people from all over the world, and they speak different languages, and they're all in different shapes and sizes and colors and creeds and religion. And but to me, all I see is somebody dancing and feeling the same way I feel at that moment in time. It's so surreal. It's so... If I had to come up with a word to describe, just one word to describe it, it would just be love. Yeah, that's it. It would just be love. And only because it's that feeling that overcomes us. It takes us. It controls us, and we can't understand it. I can't understand it. All I do is write the word. I don't know where they come from. I can't explain it. But I do. It's there, it's real, I can. Take it in like that, you know? Feels good, it feels good. And it's funny. What's that you're listening to? I tell them what it is, and they seem to have some preconceived notion of what house music is, and it's always wrong. It's they always think that it's bells and whistles and people with glow sticks, and I mean that's probably part of it, and some genres, but the kind of house music I'm talking about, no, it's much more than that. It's much more than something that you can see and point to and say, that's what that is. That's not what that is. That's what that is. But that's not what I'm talking about. You know, somebody said it before. I'll say it again, you know. House is a feeling. Okay, I said it. Let's say it again. House is a feeling. And no matter where you are, you can get that feeling. You can be at home washing dishes. You could be in your car on your way to work. You could be walking down the street. You could be in the gym. You could be anywhere in the world and you can get that feeling. It don't matter. You don't have to be in the club. You don't have to be on the dance floor. Man, you don't even have to be listening to music. It's because it's a feeling that you get. House music. Thank you.

Bienvenue dans le monde de l'underground by Fred Cominatia. De la soul, du funk, du hip-hop, du new disco, de l'indie dance et surtout de la house, deep house, tech house jusqu'à la progressive. Des présentations d'artistes et labels internationaux, mais aussi d'associations et collectifs régionaux. Tous les jeudis 17h-20h, des nouveautés et des mix live en son et images par Cominatia. Mais aussi par des invités de choix du monde de l'underground. Et bien voilà, fin de ce mix pur Electronica. J'espère que vous avez apprécié la versatilité, la diversité des morceaux. Moi j'appelle ça du train spotting, tu vois. Tu vois, t'étais il y a 25 ans, là, t'étais en Angleterre, t'étais au pub, là, tu vois, t'es parti vendredi soir, maintenant c'est dimanche après-midi, quoi. Voilà, t'es pas encore rentré, c'est chaud, tu vois, mais c'est trop bon, t'es au pub, et là tu te dis, bon, je vais quand même rentrer. Et puis tu passes aux toilettes tranquille, et puis tu croises Andy, et puis voilà, quoi. Et puis là tu reviens dans la salle, et il y a le DJ, tu balances du son comme ça, il te met un petit peu de ci, un peu de ça, et puis ça finit en techno, et puis t'es là, et puis tu sais plus, tu dis, bah, de toute façon, c'est lundi, allez, pff, on s'en fout. Voilà, c'était l'époque, quoi. Voilà, pour ceux qui étaient à Tolbiac aussi, sous le pont, c'était pareil. En tout cas, si vous voulez refaire du revival, de la bonne techno, c'est le 14 mars que ça se passe, à Montpellier, au Diez Warehouse. Vous avez Techno Rules qui va recevoir le Yellowheads, un duo éclectique techno du live. Voilà, avec l'after qui va bien, au Yaka aussi à Montpellier. Donc le 15 de 6h à midi. Voilà, mon pote Enguerrand de la Cosa Minimalista qui organise tout ça. Je vous conseille, c'est vraiment qualité. Donc si vous êtes sur Montpellier ou pas loin, ça vaut le détour. Et même à partir d'ici, ça vaut le coup d'aller prendre sa bagnole, parce qu'il n'y en aura pas comme ça des soirées souvent ici, dans le coin, dans le sud-est, il y en a quelques-unes, voilà. Après, sinon, le 21 mars, vous avez David Herr, mon pote de Mirabel, dans un autre style, qui va faire une soirée Deep House au Cozy Bar, à Fréjus, voilà, je vous conseille de réserver aussi, ça c'est le 21 mars, Association Mirabel. Sinon, donc, Association Causa Minimalista, pardon, et Techno Roots, donc à Montpellier le 14 mars pour une soirée pure techno. Voilà, quant à nous, et ben ouais, je vous ai dit, là on est en train de, voilà, bientôt vous avez une bête surprise, on va commencer la communication. Le plus gros festival électronique du coin ici, un début, une première, Sudtronic à Roquebrune, 27 et 28 juin. Il y a un plateau qui se forme là, qui est plutôt sympa, du lourd. Du lourd, du différent, de la house, de la tech, de l'afro house. Voilà, sur deux jours. Avec de quoi camper sur place, avec de quoi manger sur place, avec de quoi voilà, faire ses petites emplettes de petits magasins sympathiques. Du merchandising aussi pour ceux qui aiment les t-shirts et autres milieux techno. Il y aura tout sur place. En tout cas, bon, c'est en préparation, ça va être chaud, mais bon, on va le faire, et puis ça va être la première, ça va être beau, quoi. Donc je vous conseille de rester informé là-dessus. De toute façon, sur la radio, on vous informera, sur le groupe, sur Facebook, personnellement, et aussi au niveau de la radio. Donc en tout cas, maintenant, je vous souhaite une bonne soirée sur Radio Méditerranée Var, à tous les auditeurs dans le monde entier, et puis à mes amis dans le coin, et à ma fille qui m'écoutait en faisant ses devoirs. Elle me dit que c'était trop bien, donc voilà, c'est cool, ça sert à quelque chose au moins. En tout cas, bah, je vous fais une grosse bise et je vous souhaite une bonne fin de semaine, un bon week-end. On se retrouve jeudi prochain pour une nouvelle édition du Son de l'Underground, unique dans la région, unique dans le bassin Fréjus-Saint-Raphaël, du son qui arrache, voilà, grâce à Seb, merci beaucoup. Et bien, en tout cas, je vous laisse avec la playlist maintenant. Bonne soirée à tous. Mi ha chiesto di volare, ma io non lo so fare. Sono abituato a rialzarmi a furia di cadere. Tu che mi stringi forte,